producer on the beat. Mascadelle. Mama la. On leur a demandé de l'aide, ils ont refusé. On s'est mis dans notre coin pour bosser, ils nous ont nargué. Ils ont dit partout que nous on peut rien créer. Aujourd'hui nos parents ont payé, ils peuvent plus parler. On a fermé la bouche, elle a un pot. On a fermé la bouche, elle a un pot. On a fermé la bouche, elle a un pot. Allez fermez, fermez, fermez, elle a un pot. Allez fermez, fermez, fermez, elle a un pot. On a fermé la bouche, on leur a demandé de l'aide. On est sorti 0-0, on a envoyé projet. Ils ont dit ils n'ont pas moro. On a grouillé. Aujourd'hui ils allument torche à midi pour nous chercher. Pourtant on les a appelés, appelés. Ils ont donné vos numéros, on voulait les croiser. Leur parler, ils ont envoyé leur opéro. Voici des enfants, ils nous ont fermés. Mais on est sortis tantôt, tantôt. On leur a demandé de l'aide, ils ont refusé. On s'est mis dans notre coin pour bosser, ils nous ont nargué. Ils ont dit partout que nous on peut rien créer. Aujourd'hui nos parents ont payé, ils peuvent plus parler. Ils soutiennent bien. On a fermé la bouche. Elle a un pot. Jonathan Morrison. On a fermé la bouche. Elle a un pot. Ça parle des caisses. On a fermé la bouche. Elle a un pot. Président extra. Allez fermez, fermez, fermez. Elle a un pot. Allez fermez, fermez, fermez. Elle a un pot. Allez pour les milliardaires. On a fermé la bouche. Elle a un pot. Ils ont dormi, ils se sont réveillés. On dit c'est nous un jet, pression sur maintenant. Ils t'ont pas donné, toi-même tu as cherché. Voilà tu as trouvé, ils sont en train de transpirer. Allez président Abramovic, Ibrahim et Fama Diabaté. Hey Diabaté, Diabaté, Ibrahim et Fama Diabaté. Hey Nomie, hey Nomie, hey Nomie les Dibie. La boule ne peut pas finir. Allez général, général, le général est John. On a fermé la bouche. Elle a un pot. Ah, Moustapha Boma, le boss Didi. Elle a un pot. Léon de Bruxelles, fermez la bouche. Elle a un pot. Fabrice Aouayon. Allez, fermez, fermez, fermez. Elle a un pot. Ambassadeur de Belgique, Michel Wimmer. Elle a un pot. Chris Brown des Babis. On a fermé la bouche. Elle a un pot. Mohamed Al-Goumare, Idi Bacilli, Abramovic Bacilli. Parfait, Wizard. Elle a un pot. Epiphane André, Yann Emmanuel Ndri, Ariel le Parisien,